tous ces gens qui n'attendent rien. Parle, mon frère, pense-moi d'abord. Peut-être un jour. Ces gens ne sont plus là.